gris et l'ours surgit de l'histoire, raconté ce soir, caché sous les draps, doudou dans les bras, la peur d'un éclat de voix. Dors et ne t'inquiète pas. Dors, demain nous serons toujours là. Pour courir ta vie avec ses soucis, ses rires et ses cris, ses sursis. Et pour éviter certains cauchemars, être abandonné, mal aidé, dors et ne t'inquiète pas. Dors, demain nous serons toujours là. Dors et ne t'inquiète pas. Dors, demain nous serons toujours là. Et si tu penses renoncer, qu'il faut attiser le feu, tu viendras rechercher ici la braise qui pourra t'enflammer. Demain nous serons toujours là. Dors et ne t'inquiète pas. Dors, demain nous serons toujours là. Dors. Ne t'inquiète pas. Dors, demain nous serons.